Chapitre 16e. Le malade en était à son 8e jour. Tout danger avait disparu, mais la faiblesse était encore extrême. Plus dévoué, plus calme que jamais en apparence, mais plus pâle aussi, Claire de Chalonne attendait le moment où le convalescent pourrait être informé, sans risque fâcheux, de la grande nouvelle. Chez celui-ci, l'esprit ne semblait pas se relever aussi vite que le corps. On eût dit que sa patience, son énergie, sa puissante volonté s'étaient fondues en même temps que la chair de ses muscles. Cet homme, si fort jadis, n'était plus qu'un enfant incapable de se résoudre et d'agir par lui-même, ayant tour à tour pour celle qui le soignait des soumissions, des attendrissements et des tyrannies d'être infirme. De même que dans les premiers jours, il refusait les remèdes de toute autre main que celle de Claire, de même, le danger passé, il avait exigé qu'elle fût là pour tendre les premiers aliments à ses lèvres blanchies. Il parlait peu, la remerciant seulement d'un regard de ses yeux qui était devenu immense, parfois d'un baiser timide sur le bout des doigts de sa belle garde-malade. Les heures lentes s'écoulaient dans cette anarchie d'habitude qui succède au règne prospère de la santé. Plus de jours, plus de nuits, plus de moments réglés pour la nourriture et le repos. Dans ses veilles somnolentes, dans son sommeil toujours prêt à fuir, il n'aurait pu dire le plus souvent si c'était la lampe qui l'éclairait ou les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux de sa chambre. Mais il savait toujours si Madame de Chalonne était là, si elle était absente. La présence ou l'éloignement de cette fée au sourire doux marquait seule les deux grandes divisions du temps, le jour et la nuit de son être, tour à tour inquiet et calmé, selon que le fauteuil de Claire demeurait occupé ou vide. Elle était devenue le soleil de sa vie, et s'il faut en croire les savants, le culte du soleil est la plus naturelle des idolâtries. Quant à la comtesse, de minute en minute, le convalescent lui tenait davantage au cœur. Elle ne songeait plus à soutenir contre elle-même une lutte inutile, mais seulement à cacher sa faiblesse aux yeux des autres. Un jour, elle dit à Paul, qui, à son gré, la contemplait avec trop d'émotion, « Comme on a raison d'affirmer que toute femme est sœur de charité par la naissance. Croiriez-vous qu'il me semble maintenant tout naturel de soigner comme mon frère un ami de la veille ?»« Cela prouve, répondit-il avec tristesse, que vous en auriez fait autant pour tout autre qui se fût trouvé à ma place. » Elle tressaillit, réfléchit une seconde, et avec l'intrépidité d'une honnête femme qui doit savoir mentir. « Mais oui, certainement, » fit-elle. « Enfin, peu importe, » soupira Paul. « Ce qui est plus certain encore, c'est que sans vous, je ne serai plus de ce monde. » Dans le secret de son âme loyale, Claire s'observait, craignant de trahir, soit par trop de lenteur, soit par une précipitation imprudente, la cause qu'elle défendait contre elle-même. Le sort de Nadia était entre ses mains. Il fallait lui ramener le cœur guéri de Paul. Il fallait faire quelque chose de plus, procurer le remède suprême à leur situation, c'est-à-dire le mariage. Mais d'abord, elle devait épier le moment favorable, annoncer la grande nouvelle au malade, habilement préparé à l'entendre, employer toute son adresse de femme pour rendre à une autre l'homme qu'elle avait sauvé, qu'elle adorait de toute son âme. Claire était prête au sacrifice et n'attendait que l'heure d'agir. Mais elle aurait considéré comme une tâche moins dure de passer 15 nuits au chevet de Paul, et à n'écouter que sa préférence, elle aurait disparu sans rien dire avant d'aborder le fatal sujet. D'ailleurs, il s'en fallait qu'elle aperçût devant elle un terrain bien préparé. Pas une seule fois, depuis son arrivée à Panticosa, le nom de sa cousine n'avait été prononcé. Aucune allusion n'avait été faite à l'existence de Madame Fresnel. Et même à ce moment, la faiblesse, l'irritabilité nerveuse du convalescent était encore si grande que, dans l'intérêt même du succès, elle redoutait de parler de Nadia. Le 25 août, Chérency put quitter sa chambre, appuyée d'un côté sur le bras de Claire, de l'autre sur l'épaule de Marthe, toute fière de soutenir les premiers pas de son amie. Paul descendit les marches du perron qu'il ne se souvenait pas d'avoir jamais monté. Un beau soleil chauffait comme une serre le cirque des rochers. Les maigres fleurs du jardin, pauvres éphémères dont la vie dure quelques semaines, levaient la tête avec un sourire de jolie mourante. Les trois promeneurs vinrent s'asseoir sur un banc, à l'ombre de quelques sorbiers rachitiques, plus tristes à voir que les rochers nus. Autour d'eux erraient quelques baigneurs au visage jaune. Nul ne saura jamais quels tons étonnants peut prendre une face humaine s'il n'a rencontré un Espagnol atteint d'une affection du foie à l'apogée. Le docteur qui passait par là, faisant sa ronde, vit son malade et s'approcha de lui pour le féliciter. « Savez-vous quelle est maintenant mon ordonnance ? Vous en allez d'ici le plus vite possible. L'été tire à sa fin. Les soirées et les nuits deviennent fraîches. Les deux tiers de mon monde sont partis. Je vous donne encore 3 jours, après quoi je vous chasse. Allons, avouez que vous ne m'en voudrez pas. » Paul n'avoua rien, et quand le docteur fut parti, ni la comtesse, ni sa fille, ni leur compagnon ne prononcèrent une parole. C'est qu'ils regrettaient tous trois, chacun à sa façon et avec son secret, cette réunion qui allait finir et que rien ne ramènera plus. Le soir, dans la chambre de Paul, dont un feu brillant tiédissait prudemment l'air, autour de la lampe aux lueurs discrètes, ils se retrouvèrent comme en famille. Chérency jouait aux dames avec Marthe. La comtesse ne les quittait pas des yeux tout en ayant un livre devant elle. De très bonne heure, sur un signe de sa mère, l'enfant rangea les pièces du jeu et le convalescent fut laissé à lui-même. « Quel dommage !» soupira Marthe. « Que nous ne puissions passer ainsi beaucoup, beaucoup de soirées. » « Il nous en reste encore 2 semblables, » répondit Paul tristement. « C'est déjà quelque chose. » Il prit un flambeau pour escorter Madame de Chalonne et sa fille jusqu'à l'autre extrémité du long bâtiment de la Pradera. Un baiser sur le front de l'enfant, une inclination très profonde devant la comtesse. Et ils se quittèrent sans autre démonstration. Chérency rentra chez lui en comptant ses pas dans l'interminable galerie aux échos de cloître. Il songeait à la résolution qu'il fallait prendre. Et tandis que sa raison disait « départ », son cœur prononçait « séparation ». « Oh, pensée folle » soupira-t-il. « Épargne-moi ce soir. Il sera bien assez tôt de s'offrir demain. » Pendant ce temps-là, Claire de Chalonne assistait à la prière de sa fille pieusement agenouillée. En voyant cette pécheresse de 10 ans se frapper de grands coups dans la poitrine, elle s'examinait elle-même. « Encore 2 soirées semblables ?» Non, pas de 1, c'est déjà trop. Demain, à cette heure-ci, je le jure, la besogne sera faite. » Le lendemain, le docteur fut d'avis que le convalescent devait essayer ses forces et passer au grand air les 3 heures chaudes de l'après-midi. C'était 3 fois plus qu'il n'en fallait pour parcourir jusqu'à ses extrêmes limites, même à Palan, cet étroit plateau ignoré du monde où le sort avait réuni ses êtres, qu'il allait sans doute séparer pour toujours. Paul et ses 2 compagnes prirent l'unique chemin qui rattache ce désert au reste du globe habité. Ils côtoyèrent le lac minuscule, aux rives de gazon déjà jaunissant, pâturé par 2 gros moutons qui secouaient à chaque mouvement de tête leurs énormes grelots de cuivre au son fêlé. En face des promeneurs, un vide dans la muraille rocheuse, pareil à l'ébréchure d'un gigantesque vase, laissait voir un triangle renversé d'azur éblouissant. À gauche, il pouvait toucher la paroi verticale de granit aux teintes grises. À droite, de l'autre côté du lac, un pic plongeait dans les nues sa couronne de neige, d'où pendait, avec des ondulations de panache brisée, l'écume ondulée par le vent d'une cascade. Paul, redevenu artiste, contemplait le coup d'œil d'un air ravi et sentait sa poitrine se gonfler à la brise pure. « Mon Dieu, que c'est beau » s'écria-t-il. « C'eût été dommage de m'en aller d'ici entre 4 planches au lieu de m'y promener, vivant et heureux, avec mes 2 anges sauveurs. » Ils s'avancèrent par le pont de marbre jusqu'au point où l'on commence à découvrir le gouffre de la descente, et Claire tressaillit en songeant aux angoisses qui la torturaient 10 jours auparavant, tandis qu'elle suivait les méandres sans fin de la route. Elle frissonna encore lorsque, revenant au bain après un court repos, Chérency lui montra, presque perdu dans le ciel au-dessus des bâtiments, l'étroite fissure par où passe le sentier de Cotteret. « Si vous saviez, disait-il, comme j'étais malade en descendant là, quel courage il m'a fallu pour ne pas obéir aux voix de l'abîme qui m'appelait. Tout serait fini depuis longtemps. Mes amis auraient appris par hasard la nouvelle dans leur journal. quand je pense que sans une lettre trouvée dans ma poche. Il s'arrêta court en songeant à l'absente, à celle qui avait écrit cette lettre. Madame de Chalonne allait parler, trouvant l'occasion bonne, mais le voyant chanceler, elle résolut d'attendre encore. Les premières ombres tombant des cimes hâtèrent leur retour. Une même tristesse vague les étreignait tous trois, même l'enfant chez qui le jeune âge produisait, chose fréquente, l'exagération de certaines impressions tendres du cœur de la femme. D'un muet accord, ils évitaient de se quitter, se sentant aussi nécessaires l'un à l'autre, aussi perdus dans ce coin de montagne, qu'ils eussent été dans une île abandonnée de l'océan. Et ils prirent leur repas ensemble, le premier repas sérieux et complet du convalescent. Il allait avoir avant peu besoin de toutes ses forces. Encore une fois, le feu chanta son hymne gai dans la chambre joyeusement éclairée. Encore une fois, quelqu'un pensa que ne pouvons-nous être de même chacun des soirs de notre vie. Mais cette fois, ce n'était point la petite Marthe qui songeait ainsi. Abattue par l'air grisant des hauteurs, elle venait de s'endormir dans son fauteuil, sa jolie tête brune renversée sur le dossier qu'elle inondait de sa chevelure. Séparée par cet ange, est-ce bien séparée qu'il faut dire, Claire et Paul tenaient obstinément les yeux fixés sur son doux visage, car tous deux, à cette heure, sentaient qu'il valait mieux ne pas se regarder l'un l'autre. « Chérubin que j'ai porté, pria la comtesse, obtiens de Dieu qu'il donne la force à ta mère. Tu peux encore dormir ce soir, chérie, mais à l'avenir il faudra que tu veilles. Nous ne serons plus que nous deux. J'aurai besoin de toute ta tendresse. Hélas, que vais-je devenir quand un autre l'aura prise? Je serai seul, seul pour toujours, seul avec la pensée que j'ai fait mon devoir, car je vais le faire, le moment est venu. » Elle ferma les yeux un instant, recueillit son courage et parlant presque à voix basse pour ne pas réveiller sa fille, elle dit à Paul, « Vous vous sentez guéri, n'est-ce pas? Vous êtes fort. Vous pouvez entendre des paroles sérieuses. » « Oui, répondait-il en tressaillant, je suis guéri. Mon esprit, sinon mon corps, a retrouvé son énergie. Il faut partir, je le sais. L'air de Panticosa ne vaut rien pour moi. Ah non, c'est un air perfide et dangereux dans sa pureté sereine. Je le sens, allez, sans que mon médecin l'affirme et sans que vous m'en fassiez souvenir. » Madame de Chalonne eut l'air de ne pas voir le sourire navré de Chérency, car elle tenait les yeux baissés sur ses mains croisées. Elle continua. « C'est autre chose que j'ai à vous dire. Vous allez entendre une nouvelle grave, et si je n'avais voulu qu'elle vous fût donnée par moi, je ne serais pas resté ici jusqu'à ce soir. Monsieur de Chérency, Nadia est veuve. « Grand Dieu !» s'écria-t-il en se levant à moitié de sa chaise où il retomba anéanti. « Veuve ? Depuis quand ?»« Depuis plus de 6 mois. » Il a fallu ce temps pour que la mort du malheureux fût connue en France. Ma cousine en est informée depuis 1 semaine seulement. Comprenez-vous maintenant pourquoi? Elle n'est pas venue. N'étiez-vous pas étonné de voir une amie naguère inconnue à cette place, qui n'est pas la sienne? J'étais trop heureux et trop faible pour penser, murmura Paul très bas. Rencontrant le regard chargé de reproches de la comtesse, il se hâta d'ajouter « J'étais si malade, si découragé, si abattu. Je ne pensais rien, sinon que vous me sauviez, et que j'étais heureux d'être sauvé par vous. « Veuve ? » répéta-t-il encore. « Et depuis 6 mois ?»« Oui, veuve, c'est-à-dire libre. C'est pour cela qu'elle n'est pas venue. En me voyant courir sous mes vêtements noirs, m'écrivait-elle, qui sait ce qu'il penserait, que je viens le soigner ou que je viens le prendre. Cette crainte, autrefois, ne l'eût point arrêtée, mais aujourd'hui... Je vous ai fait lire une de ses dernières lettres. Vous avez pu voir ce qui se passait alors dans cette âme si fière, si amèrement humiliée. Depuis, elle a tremblé pour votre vie. En ce moment, elle sait votre corps guéri, mais elle ignore, pauvre Nadia, si le cœur est guéri comme le reste. Paul se tut. On lisait sur son visage accablé l'histoire brusquement rappelée d'une heure cruelle de sa vie. Peut-être aussi le souvenir d'heures moins éloignées et plus douces. « Écoutez, dit Claire, se méprenant sur la cause du trouble qu'elle voyait. Pensez-vous que ces mains qui ont guéri votre corps seraient capables d'ensevelir votre honneur pour jamais? Ils ne courent aucun risque, croyez-moi, sur la route que le devoir vous trace et quitte aussi celle du bonheur. » Paul avait appuyé les coudes sur la table et tenait la tête cachée dans ses mains. « Je vous crois, soupira-t-il, quand vous m'assurez que l'honneur est sauf. Ma confiance en vous est telle que votre parole fait plus pour me convaincre que toutes les preuves. » Il s'arrête un instant, fit un effort, reprit avec une triste amertume. « Toutes les preuves que nulle puissance humaine ne saurait me donner. Mais si vous saviez, si vous saviez, si je vous avouais qu'en ce moment, je lutte pour chasser le regret honteux, méprisable, ignoble, de n'avoir pas été plus complètement outragé, puisque... « Monsieur de Chérency, » interrompit sévèrement la jeune femme, « il ne me reste plus qu'un mot à ajouter. Mon rôle est fini, et je vais vous quitter demain. J'emporterai comme récompense, n'est-ce pas, la satisfaction de m'être dévoué pour un honnête homme ?»« Oui, » s'écria-t-il, changeant subitement de visage, d'attitude et de voix. « Oui, partez tranquille. Vous emporterez du moins cela. Quand vous penserez à moi, dites-vous que l'homme sauvé par votre pitié incroyable n'en était pas indigne. Que Dieu, jusqu'au dernier jour de votre vie, vous rende heureuse. Qu'il nous rende heureux, » corrigea gravement Madame de Chalonne. « Il faut que nous le soyons tous, mais nous le serons, j'en suis sûr. Vous verrez. » Alors, longuement, ils se regardèrent. Selon toute apparence, le bonheur dont leurs bouches parlaient tant n'était pas encore dans leurs âmes. En dépit de leurs efforts pour sourire, ils pleuraient tous deux. La petite Marthe n'avait pas bougé, mais de ses yeux largement ouverts, elle les contemplait avec surprise.